بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. On continue donc avec notre livre Riyad al-Salihin, min kalam al-Sayyid al-Mursalin. Donc nous sommes arrivés au chapitre 7, Babun, au Babu fil yaqin wa tawakkul. Donc le chapitre de la certitude et de la confiance. Yaqulu ta'ala, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. وقال تعالى: الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَسْتَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Donc le chapitre de la certitude et de la confiance en Allah. Allah dit, lorsque les croyants ont vu les groupes, les coalisés, ils dirent: ceci est ce que notre Seigneur a promis, ainsi que son envoyé. Et Allah et son envoyé ont dit vrai. Et cela ne leur a rajouté que de la foi et de la soumission. Et il dit dans notre verset: ceux dont les gens leur ont dit, certes les gens se sont rassemblés pour vous, craignez-les. Et cela leur a ajouté de la foi, et ils disent: Allah nous suffit, et quel bon garant, quel en vérité donc bon garant. Là, je ne mets pas ici, ça va être tout ça. Donc, Allah a changé, Allah donc justement leur a donné ses bienfaits et ses grâces. Et aucun mal ne leur a touché. Et ils ont suivi l'agrément d'Allah, et Allah a donc la grâce énorme. Allah a la grâce énorme. C'est-à-dire que les croyants, donc l'Ahzab, vous connaissez donc la bataille des coalisés, le Khandaq, hein, donc le fossé, la bataille du fossé, car tout le monde s'est réuni pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les croyants. Bien sûr, ils savaient que cela ça arriverait. Donc ils ont bien dit que ça c'est bien la promesse d'Allah, ils se sont envoyés. Et que Allah et son envoyé ont dit vrai. Et ce ne leur a pas fait peur. Ils ont eu donc aucunement peur, car ils se sont, donc ils se sont bien sûr, ils ont donné leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont placé leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela leur a rajouté la foi ainsi que la soumission. Cela leur a fait augmenter cette foi. Et dans l'autre verset, ceux qui leur disent, donc les gens, regardez les gens, se sont réunis contre vous. Donc craignez-les. Et ça, c'est la part des munafiqines. C'est la part des hypocrites, afin de faire peur aux musulmans. De dire, regardez, tout le monde s'est réuni contre vous, vous devriez plutôt avoir peur. Mais ça a été le contraire. La foi, donc, a été augmentée chez eux. Et ils ont dit, Allah est notre garant. Et quel bon en vérité, donc Allah nous suffit et quel bon garant. Allah nous suffit en vérité et quel bon garant. Et plutôt ils ont changé, donc Allah leur a changé tout ça en grâce. Et aucun mal ne leur a touché. Et ils ont suivi donc l'agrément de leur Seigneur. Et leur Seigneur, bien sûr, a une grâce évidente, une grâce qui est énorme. Et ça, c'est pour montrer l'importance du tawakkul ala Allah azza wa jal. Du tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il prend ? Voilà, bon, avec Hammi. Donc, le yaqin, les savants ont dit par rapport au yaqin, la certitude que c'est toute la religion. Le yaqin, c'est ad-din kullu. Il veut quoi ? Il veut boire. Qu'est-ce qu'il veut boire ? Et il dit aussi, donc les savants aussi ont dit que tawakkul ala Allah, le fait de se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la moitié de la religion. C'est pour ça qu'Allah dit Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Iyaka nasta'in, c'est tawakkul ala Allah. Donc le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et ça rentre dans donc, la moitié de la religion. Et Allah dit, continue aussi et nous ordonne toujours donc de s'en remettre à lui et de placer sa confiance en lui lorsqu'il dit wa tawakkul ala Allah ala al-hayy alladhi la yamut. Et place ta confiance au vivant qui ne meurt pas. Mais ne place pas ta confiance au vivant qui meurt. À l'homme, mais plutôt à ceux qui ne meurent pas, à Allah subhanahu wa ta'ala. Ta confiance, tu la passes totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui passent totalement leur confiance aux hommes. Et ça, c'est une erreur. Car la confiance, elle se passe en Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis Allah Azzajal continue et dit Wa Allahi falyatawakkal al-mu'minun. Et à Allah place la confiance des croyants. Donc les croyants passent leur confiance en Allah. Et il dit aussi Subhanahu wa ta'ala Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Si tu as le désir ardent, place donc ta confiance en Allah. C'est-à-dire lorsque tu as décidé de faire un bon acte, un acte religieux, place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah demande que tu places ta confiance en lui avant de faire cette œuvre. Et aussi, وَمَنْ يَتَّوَكَلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَزْبُهُ. Allah dit. Donc celui qui place sa confiance en Allah, Allah sera son garant. Allah lui suffira. Allah lui suffira. Et Allah dit aussi, lorsqu'il mentionne les croyants, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكْرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Certes, les croyants sont ceux lorsqu'on leur rappelle Allah, leur cœur frémisse, lorsqu'on leur cite ces signes, leur foi augmente et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Et celui qui connaît ces versets, il voit qu'après c'est Al-Lazina yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun ila akhirih. Donc juste après, Allah montre justement les actes apparents. Ici, Allah parle des croyants, il parle que les cœurs frémissent, il parle aussi que leur foi augmente et qu'ils placent leur confiance en Allah. Et juste après, il mentionne Allah subhanahu wa ta'ala, la prière, la zakat, les aumônes, afin de dire qu'ils ont confiance en Allah et ils mettent en pratique. Car il faut d'abord avoir la confiance en Allah pour pouvoir en vérité mettre en pratique. Et aussi, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Ruzat alayya al-umam, fara'aytu al-nabiyya wa ma'ahu ruhayt. » والنبي ومعه رجل ورجلان والنبي وليس معه أحد إذا رفع للسواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظروا إلى الأفق انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذا أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on m'a montré les communautés et j'ai vu un envoyé avec un groupe qui ne dépasse pas 10. Alors c'est un groupe qui est d'une dizaine maximum. Donc, et j'ai vu un envoyé et avec lui un homme ou deux hommes. Donc il y a des envoyés, il n'y a eu qu'un qui l'ont suivi. Il y a des envoyés, il n'y a eu que deux qui l'ont suivi. Et j'ai vu des envoyés et personne n'est avec eux. Personne n'est avec eux. Donc personne n'a accepté de l'obéir, de le suivre. Puis après, on m'a montré un grand groupe, un nombre, Sawad ou Nardim. Donc un grand groupe de personnes, une grande communauté. Et j'ai cru que c'était ma communauté. Et on m'a dit, voici Moussa et son peuple. Mais regarde à l'horizon. Et là, j'ai vu aussi donc encore un plus grand groupe, un grand groupe. Et on m'a dit, voici donc, et regarde, c'est-à-dire dans l'horizon, c'est-à-dire dans le dernier horizon, jusqu'à la fin. Et j'ai vu que c'était un grand groupe. Et on m'a dit, voici ta communauté. Et parmi cette communauté, il y a 70 000 personnes qui entreront au paradis sans compte et sans châtiment. Alors qu'il y en a. Des musulmans, c'est pas ça qui manque. Depuis le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au jour dernier, on aura des milliards. Mais là, on voit un groupe infini qui entre au paradis sans compte et sans châtiment. منزله فخذ الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. Donc bien sûr, donc il est rentré chez lui, Nabi Sallam, donc les gens ont commencé à discuter. Ils ont discuté. Et Satan dit, donc c'est sûrement, donc ils ont discuté vis-à-vis de ceux qui entrent au paradis sans compte et sans châtiment, qui sont-ils? Donc ils se sont dit sûrement, certains d'entre eux ont dit, c'est sûrement ceux qui ont été en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres ont dit, c'est sûrement ceux qui sont entrés dans l'islam, qui sont nés dans l'islam, donc ils sont des musulmans et qui n'ont jamais associé donc à Allah en quoi que ce soit. Qui n'ont jamais associé à Allah en quoi que ce soit. On voit ici deux caractéristiques différentes. Même si en vérité les compagnons font partie de ceux qui n'ont jamais associé à Allah sur un tal. Non seulement compagnons, et de l'autre côté, ceux qui croient, ceux qui sont droits vis-à-vis du monothéisme, ceux qui restent monothéistes, et qui prennent soin de connaître leur religion, leur dogme, leur foi. Ils connaissent le tawhid. Donc voyez ici comment ils ont réfléchi. Ils n'ont pas dit celui qui fait, je ne sais pas, celui qui fait ça. Ils ont mentionné en vérité les choses les plus importantes. Le fait qu'ils adorent Allah et qu'ils n'associent à Allah en quoi que ce soit. Et après, ils ont parlé des compagnons car ils connaissent en vérité la haute valeur des compagnons du prophète. Ils ont choisi en vérité donc les meilleures choses. Et ils ont sorti d'autres choses encore. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالْ مَا الَّذِي تَخُضُونَ فِيهِ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Donc ici, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sort vers eux et leur dit, donc qu'est-ce qui fait que vous êtes en discussion? De quoi parlez-vous? Et ils lui ont dit, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, donc ce sont ceux qui ne font pas, c'est-à-dire ruqya. Donc on verra ça, et qui ne demandent pas ruqya. En vérité, c'est-à-dire ceux qui ne demandent pas ruqya, dans le sens en vérité, ils le font eux-mêmes à ruqya, s'ils en sont capables. Ils le font eux-mêmes à l'origine. Ruqya, l'origine de ruqya, c'est de le faire soi-même. Celui qui est touché, il le lit Coran, il se guérit soi-même. Il passe énormément sa confiance en Allah, il ne le demande pas aux gens. Actuellement, maintenant, les deux qui quelqu'un est malade, il faut que c'est telle personne, pas une autre, la khairie, même si les deux sont équivalents, non, lui, il est plus connu, non, ceci, non, cela. C'est Allah qui guérit, c'est pas lui. Il est possible que son père ou sa mère soit peut-être, justement, ils vont peut-être faire peut-être mieux que celui qui va venir faire ruqya. Parce que son père et sa mère veulent vraiment, par exemple, qu'il guérisse. Peut-être la niya sera plus forte déjà, un exemple. Donc c'est pas une question des personnes. Mais la personne, si elle est capable, c'est à elle de le faire. On sait que maintenant les gens ne savent pas lire, ils ne savent rien faire, beaucoup de gens. Donc c'est pour ça qu'il faut passer par les gens. Mais en ce moment, on va leur faire. Mais tout simplement, on va savoir que ces gens-là ne font pas partie, en vérité, de ceux qui font, justement, donc qui demandent cette ruqya. Et aussi, donc, ils n'utilisent pas les mauvais augures. Hein? C'est-à-dire, à l'époque, si l'oiseau passe de gauche à droite, par exemple, eh ben, on ne voyage pas, on rentre. C'est-à-dire, on lâche l'oiseau. S'il prend tel chemin, telle direction, on va voyager. On voit, donc, on prie quelque chose de bien. Sinon, c'est comme ils disent, un mauvais présage, on rentre chez soi. On préfère pas voyager. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Allah dit, donc, c'est ça qui est. Nabi s'en dit ça. Et là, c'est ce qui est important vis-à-vis du hadith. Par rapport à ça dans le contexte, et ils placent totalement leur confiance en Allah. Et ils placent totalement leur confiance en Allah. Faqama Ukasha, donc le hadith est connu pour être le hadith Ukasha. Udwa Allah ayaj'alani minhum, qala anta minhum. Donc Ukasha, le mot du prophète, donc invoque Allah afin que je fasse partie de cela. Et il lui a dit, tu fais partie de cela. Thumma qama rajulun akhar. Et un autre s'est levé, فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم قال سبقك بها ركاشة. Donc un autre homme a dit aussi, invoque Allah afin que je fasse partie de ces gens-là. Et il a dit, Okasha, t'as devancé en cela. Okasha, t'as devancé en cela. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il a rapporté donc Al-Bukhari et Muslim. Et on connaît l'histoire de la femme qui fait des crises, qui est épileptique et qui, donc, va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui invoquer Allah afin qu'il me guérisse, parce que lorsque je fais, je ne sais plus ce que je fais, donc je me dénude, je me retrouve nu sans savoir ce que je fais, et elle a honte de ça, elle a honte de sa nudité, et ça c'est tout à fait normal. Donc un débit sur ça me dit, si tu veux, tu patientes, si tu veux j'invoque Allah, si tu veux tu patientes, et tu auras donc bien sûr, donc elle aura justement ce paradis sans compte et sans adab. Elle a dit qu'elle allait patienter, mais simplement elle a juste invoqué Allah juste pour que je ne me déshabille pas. Juste par rapport afin de continuer avec parce que c'est une question de pudeur. Et ça ne rentre pas dans le fait d'être de Adam Tawakkul Allah. Donc, bien sûr, Nabi Sonoki fait droit par rapport à ça. Et elle demande justement de patienter. Donc elle garde sa maladie, mais elle patiente par rapport à cela. Et ce qui compte pour elle, c'est de ne pas être dénudée devant les gens car elle a honte. Et elle fait partie aussi de cela. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, Allahumma laka aslamt, wa bika amant, wa bika amant, wa alayka tawakkalt, wa ilayka anabt, wa bika khasamt. Allahumma a'udhu bika izzatika, la ilaha illa ant, antudillani, anta al-hayyu alladhi la yamut, al-jinnu wal-insu yamutun. حديث رابورتي بار البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: او مون جو دونك جو مي سوي سوميز ا توي اي جي كرو ان توي et j'ai placé ma confiance en toi et je suis revenu vers toi et donc j'ai discuté aux gens, je me suis disputé au message, j'ai discuté avec les gens pour toi, donc j'ai expliqué aux gens pour toi. Oh mon Dieu, je me protège auprès de ta puissance, nulle divinité à part toi, que tu m'égares, tu es le vivant qui ne meurt pas, les djinns et les humains meurent. Donc on voit qu'en vérité le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, donc il passe totalement sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et il montre aussi donc sa certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Car il dit bien qu'il s'est soumis à Allah azzawajal, totalement, pour tout ce qu'Allah azzawajal demande. Et il croit en lui, dans tout ce qu'Allah azzawajal lui a appris, lui a enseigné. Et il passe sa confiance, une fois avoir justement eu cette foi et avoir eu cette soumission. Et vers toi je reviens. Donc il passe sa confiance, et l'inaba c'est quoi? C'est le retour vers Allah, c'est iyyaka na'budu. Hein, donc ici on a encore une fois iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alayka tawakkaltu wa ilayka anabt. C'est-à-dire je me remets à toi, je reviens vers toi, vers l'adoration. L'inaba c'est le fait de revenir vers Allah Azzawajal dans l'adoration. Donc il place encore un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc ici comme dans le verset du Coran et tout, on voit qu'il y a tawakkal Allah, il passe avant justement ici. Il est donc justement mentionné, c'est-à-dire pour l'adoration, avec l'adoration. Il est mentionné avec l'adoration. C'est-à-dire il faut que tu aies cette force, cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour adorer comme il le faut. Plus tu passes ta confiance en Allah, plus tu vas en vérité réussir à l'adorer. C'est pour ça qu'il y a cet ordre ici. Allez, katawakkat wa ilayka anabt. Et pour toi, donc j'ai expliqué, et l'islam, donc je me suis. Donc j'ai discuté avec des gens, et je me protège auprès de ta puissance. Hein, donc, nul Dieu à part toi, que tu m'égares. Un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a peur de quoi ici? Il demande protection là contre l'égarement. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas plus grave que ça. Que tu m'égares, et tu es donc le vivant qui ne meurt pas, les djinns et les humains meurent. Donc, que dire de nous si un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Allah Azzajal de ne pas l'égarer? Que dire de nous? On doit demander à chaque fois. Et on le fait. Fi fatihat al-kitab, ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous vers la voie droite. Salat al-ladina an'amta alayhim, la voie dont ce tu as comblé de bienfaits, ghayril maghdoubi alayhim wa ad-dallin, et non pas le chemin qui ont encouru ta colère et le chemin des égarés. Ceux qui ont encouru la colère, al-yahoud, les égarés, al-nasara, et hatta chez les musulmans, car il y a des gens qui connaissent et ils ne mettent pas en pratique. Donc ils ressemblent à qui? À cela, ils font partie aussi de ceux qui encourent la colère d'Allah. Si tu connais, tu ne mets pas en pratique, tu encours la colère d'Allah. Et si tu ne connais pas et que tu fais n'importe quoi, pour Allah, tu es un égaré. Tu es tout simplement un égaré. Donc la personne, elle doit être munie de science, de connaître, elle doit connaître sa religion afin d'adorer Allah. Donc guide-nous vers la voie droite, une seule voie. Donc s'il y a une voie, elle a été, alhamdoulilah, écrite, elle a été mentionnée, elle a été expliquée. Donc il suffit en vérité de savoir où elle a été expliquée. Par les grands livres connus, des grands savants connus, tout simplement. Ils nous ont expliqué cela de la plus belle façon et de la meilleure façon. Donc voici la doua que le Nabi s'est mis fini. Demande protection contre justement l'égarement. Le fait de sortir de la voie droite. Le Ibn Abbas dit, radiallahu ta'ala anhuma, dans un hadith rapporté par le même Muslim, Hasbunallah wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim alayhi salam, hina ulqiya fin nar. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Donc il dit, donc Ibn Abbas fait le tafsir, fait l'exégète, l'explication de ce verset. Allah est notre garant, et Allah est, donc nous suffit, et en vérité, donc quel beau garant. Ni'ma, c'est une ni'ma, donc c'est une grâce d'avoir Allah comme garant. Alors il dit qu'Ibrahim l'a dit, alayhi salam, lorsqu'il a été jeté dans le feu. Et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont dit, donc certes les gens se sont rassemblés contre vous, donc craignez-leur. Tout le monde a fait quoi? Ils ont voulu faire peur aux croyants. C'est pour ça qu'ils ont dit cette parole. Mais en vérité, ça n'a fait que augmenter leur foi. Et ils ont dit, hasbunallah wa ni'mal wakeel. Ils ont compris qu'ils étaient, étaient eux les plus forts, parce que Allah Azza wa Jalla était totalement avec eux. Et Allah ne pouvait pas les délaisser. Même s'ils étaient, d'infériorité numérique, même si le chiffre est en vérité donc inférieur. Et aussi un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths rapportés par le même Muslim, dans le hadith rapporté par Abu Huraira, يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, un groupe de personnes va entrer au paradis et leur cœur ressemble au cœur des oiseaux. L'oiseau il sort le matin, il passe au coffre sans là, il va chercher sa nourriture, il trouve. L'oiseau, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de ceci, il ne sait pas où il va. Il va, il revient, il mange. Ça fait le ulama, ils ont dit par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils sont mutawakkilun. Ils s'en remettent totalement à Allah. Hein? Et aussi, ils veulent dire aussi, ils ont plus le cœur qui est raqiq. Ils ont un cœur qui est en vérité doux. Et c'est des gens qui n'ont pas le cœur dur. Ils ont des cœurs qui sont doux. Donc ils acceptent en vérité tout ce qui est bon. Donc il y a deux tests vis-à-vis du cœur ici. Le cœur qui est doux, et aussi comme quoi qu'ils s'en remettent totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vis-à-vis de ce verset. Entrera au paradis des gens dont leurs cœurs sont doux. C'est ni'ma d'avoir un cœur doux. On sait que donc Allah a bien dit, donc malheur à ceux qui ont les cœurs durs. Malheur à celui qui a le cœur dur, il entend le verset, il n'est pas touché. Il lit le hadith du prophète, sans ça, mais il ne veut pas en profiter, il s'en détourne. Lui, c'est celui qui a le cœur dur. Donc c'est le cœur doux, il boit. Hein, c'est comme ce cœur, cette éponge. Elle prend, normalement elle doit prendre justement ce qui est bon. Et aussi un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est rapporté par Omar. Donc où un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسة وتروح بطانة. رواه الترمذي وهو حسن. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: si réellement vous placez votre confiance en Allah de la vraie façon, vous recevrez de la subsistance de la même façon que le reçoit l'oiseau. Il part, hein, donc tu pars, tu sors avec le ventre creux, tu reviens avec le ventre plein. Bien sûr, tu as fait l'esprit parce que tu es parti. Hein, le fait de partir, ça veut dire que tu as fait les causes. Tu recherches après cette nourriture. Ça ne veut pas dire, comme certains disent, je ne bouge pas, ça tombe. Hein, comme le font les soufis. Et même donc le Jama'at Tibir qui s'appelle, en fait ça s'appelle Tawakul. Et ça c'est pas Tawakul, alors là c'est Tawakul. C'est-à-dire que moi je ne bouge pas et je crois que ça va tomber tout seul et ça c'est pas vrai. Il faut faire en vérité les sabab ici parce qu'Allah il dit Tardou Khimasa, Tardou, il part. Donc il voyage, il part. Pourquoi faire? Pour rechercher la nourriture. Donc il a utilisé des moyens. Il est parti chercher. C'est comme si toi tu allais partir chercher du travail. Mais tu passes en confiance en Allah et puis Allah il va te donner ce travail facilement. Tu vois? Donc c'est sans réalité. Donc on va prendre le chapitre prochain. Ou bien il y a un hadith aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam où عن أنس يعني رضي الله عنه قال كان إخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم يعني يحترف بمعنى يكتسب ويتسبب. Donc Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait donc deux frères, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un allait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'autre, il allait chercher donc la nourriture, il allait travailler. Le deuxième, il allait travailler. Et celui qui allait travailler, s'est plaint de son frère au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, certainement, tu reçois de ta nourriture par lui. Hein, par lui. C'est-à-dire que l'autre, il ne travaillait pas. Mais il ne faisait pas non plus rien. Il allait voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il apprenait la science religieuse comme il le faut. Hein? Lui, il a délaissé la dunya, mais il apprenait réellement la religion. Donc il ne faut pas mélanger avec ce hadith en disant que c'est juste parce que je vais à la mosquée, je fais rien. Là, il enseignait, en vérité, il apprenait. Et il faisait profiter son frère. Il y avait des choses quand il venait, donc il ne restait pas comme ça. Et son frère allait chercher le risque. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, ta subsistance est quoi? Donc, sûrement ta subsistance en vérité elle est car lui il fait ça par lui, hein, de par lui, car en vérité cette personne elle ne faisait pas n'importe quoi, et ça C'est pas un hadith qu'il faut utiliser comme les gens l'utilisent. Allez, je parle n'importe comment, je fais n'importe quoi. Je sors de chez moi 3 jours ou 4 mois et tout, et je laisse tomber la famille. Et puis, parce que je fais n'importe quoi, ma famille, elle va recevoir le risque. Ça, c'est pas vrai. Et la preuve, c'est qu'ils n'ont jamais eu de risque. Ils ont eu que des machakils, et ils sont tous retrouvés, ou presque tous, auprès des assistantes sociales. Ça, c'est pas de risque. Ça, c'est pas de risque. Tandis que quand il y a un talib ilm dans la maison, Allah Azzawajal, des fois, il met la baraka dans la maison. Réellement, Allah Azzawajal, il met quelque chose justement dans cette maison. Il met la baraka. Parce qu'il y a justement quelqu'un qui est parti sérieusement pour apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il y a un fadl du ilm. Il y a un bienfait en vérité du ilm. Et c'est pas un bienfait de faire n'importe quoi, comme les gens vont prendre le hadith et vont l'utiliser n'importe où. Naam. Babu al-istiqama. Chapitre donc de la droiture. Allah dit, fastaqim kama umirt. Sois droit, comme tu as été ordonné. Et puis il dit, subhanahu wa ta'ala, innal ladina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Donc certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis ils se sont mis dans la voie droite. Les anges descendent vers eux afin de leur dire, ne craignez pas et n'ayez pas ne soyez pas attristés. Et donc réjouissez-vous du paradis dont vous avez tant été promis, dont on vous a promis. Voyez ici, donc, non seulement ils ont dit Allah est notre Dieu, et donc ils ont compris que notre Seigneur, ils ont compris que Allah leur a ordonné d'être droit. Et ils l'ont fait. Ils ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges descendent sur eux et parlent et leur disent, ne craignez pas, et aussi leur dit, et ne soyez pas attristés. Et on l'a vu. Et on l'a vu auparavant que celui dont Allah a enlevé du cœur la tristesse et la peur, il est bien. Et celui qui se retrouve à avoir de la tristesse dans le cœur et de la peur, il est mal. Il ne peut pas vivre normalement. Il sera très mal. Donc ça, c'est des points importants. C'est justement des ressentiments qui sont forts dans tout à chacun. Si Allah nous enlève la tristesse et la peur, alhamdulillah. C'est pour ça qu'Allah dit souvent, justement, donc, la khawfuna alayhim wa la hum yahzanun. Nulle peur pour eux et nulle tristesse. Et la peur, c'est quoi? La peur, c'est de ce qui va advenir. Et la tristesse, c'est de ce qui s'est passé. Tu es triste parce que tu as raté beaucoup de bonnes occasions à adorer Allah Azza wa Jal. Et tu as peur de ce qui va advenir. Parce que celui qui a bien adoré, qui est droit, il n'a pas peur de ce qui est advenu parce qu'il a fait ce qu'il fallait auparavant. Et il n'est pas attristé de ce qui est advenu. Et il n'a pas peur de ce qui va advenir. Donc il n'est pas attristé de ce qui est passé. Et il n'a pas peur de ce qui va advenir. Après Allah continue et dit, Nahnu awliya'ukum fil hayat dunya wa fil akhira, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tadda'un. Donc Allah dit, nous sommes vos alliés dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et vous aurez dans la vie d'ici-bas, donc vous aurez ce que vous voudrez, ce que vous voulez. Et vous aurez aussi donc ce que vous désirez, donc ce que vous recherchez. Nous sommes Rafour Rahim. C'est ça, c'est une descente de qui? Du miséricordieux, du pardonneur et du miséricordieux. De qui? Du pardonneur et des miséricordieux. Pour qui? Pour justement ceux qui ont été envoyés dans la bas droite. Et Allah dit, Inna alladina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun ulaika ashabu jannati khalidina fiha jaza'an bima kanu ya'malun. Et on l'a vu ce verset hier, si je ne me trompe pas, c'est bien hier. Ceux qui ont dit, notre Seigneur est Allah, puis ils se sont donc mis dans la voie droite, nulle crainte pour eux et aussi nulle tristesse. On voit encore donc la même chose. Ce sont eux, les gens du paradis, qui vont y demeurer éternellement, en récompense de ce qu'ils ont fait. Allah, il montre ici qu'est-ce qu'il faut. Allah, ici, montre en vérité, donc, la condition. Bima kanu ya'malun, de ce qu'ils font. Donc, d'où l'importance en vérité des actes pis. De la bonne prière, de la bonne zakat, du bon hajj, du bon siyam. En plus, on arrive, on approche au mois du ramadan, samedi, inshallah. Alors que ce soit en Arabie ou bien ici, samedi pour tout le monde, inshallah. Donc ça arrange tout le monde comme ça, alhamdulillah, ça nous arrange. Et donc Allah, justement, il nous demande justement en vérité de profiter en vérité de ce mois-là, justement pour gagner énormément en vérité de hasanat. Gagner énormément de hasanat. Donc, An Abi Omar, Waqila Abi Amr, Sofiane Ibn Abdullah, رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقيم رواه مسلم. Donc voilà ce qu'il dit ce compagnon au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ô envoyé d'Allah, donne-moi une parole dans l'islam, je ne demanderai personne autre que toi. Donne-moi une parole, donc je prendrai de toi, je ne poserai jamais la question à autre que toi par rapport à cette parole. Il lui dit, je crois en Allah, et puis, donc quoi, et puis remets-toi, suis la voie droite. Et puis, suis la voie droite. Comme on voit ici, Inna alladhina qalu rabbuna istaqamu, par exemple, des choses comme ça. Donc c'est ces versets-là. Le fait qu'en vérité, ils croient en Allah et puis ils se remettent, bien sûr, à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils suivent en vérité le chemin droit. Allah muslim. Et aussi un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hadith rapporté par Abu Huraira. Qaribu wa saddidu wa alamu annahu lan yanju ahadun minkum bi amalihi. Qalu wa la anta ya Rasulullah. قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم dit aux compagnons, donc rapprochez-vous, saddidou, faites en vérité le plus que vous pouvez, rapprochez-vous de la vérité le plus que vous pouvez, donc faites les meilleures œuvres que vous pouvez, et sachez que personne ne peut être en vérité sauvé de par ses actes. Personne ne peut être sauvé de par ses actes. Ils ont dit, même pas toi, ou envoyé d'Allah. Il a dit, même pas moi. Sauf si Allah me fasse en vérité miséricorde. En vérité, donc, me gracie de sa miséricorde et de ses grâces. On va voir un verset auparavant qui dit, Allah dit, Jaza'an bima kanu ya'malun. Un verset qui dit de vos actes. Tu vas entrer au paradis par vos actes. Et là, un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que nos actes, c'est pas eux qui nous font entrer au paradis. Comment on va comprendre cela? Vous avez bien compris que le hadith dit ça. La nienju ahadu minkum bi amalihi. Personne de vous peut être sauvé par ses actes. Qui connaît la réponse? Hein? Car l'origine de l'entrée au paradis, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Mais pour attraper, pour en vérité acquérir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, il faut œuvrer. Donc ton œuvre, elle va quoi? Elle va acquérir. Hein? Elle va toucher Allah Azza wa Jal, sa miséricorde. Tes œuvres vont toucher la miséricorde d'Allah. Mais c'est la miséricorde d'Allah qui te fait entrer au paradis. Vous connaissez l'histoire de celui qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala sans arrêt, des siècles. Sachez que les peuples auparavant, ils vivaient des siècles. C'est Nuh, alayhi wa sallam, il a vécu. Il n'a pas vécu. Il a fait dawa 950 ans, il a vécu encore plus que ça. Les peuples vivaient longtemps avant. Les peuples vivaient longtemps avant. Et c'est plus tard que ça a changé. Alors, celui qui a vécu des siècles, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, Allah lui dit, entre au paradis par ma miséricorde. Il dit non, ou Allah part, mais plutôt par mes actes. Donc Allah dit, enlevez-lui sa grâce, la meilleure grâce, enlevez-lui un œil. Donc prenez-lui un œil et posez-le sur la balance. La grâce de l'œil. Pèse la miséricorde qui est dans l'œil. Et mettez tous ses actes dans l'autre balance. On verra laquelle est la plus lourde. Et la plus lourde, c'était justement l'œil. Ça fait, les petites grâces qu'Allah nous donne, c'est encore mieux que, hein, justement, qu'en vérité, que tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse, en vérité, on ne mérite pas réellement le paradis. C'est la miséricorde d'Allah qui nous fait rentrer au paradis. Et ce n'est pas nos actes, nos actes vont en vérité être le moyen de toucher la miséricorde d'Allah. Et c'est cette miséricorde qui nous fera rentrer au paradis, tout simplement. Donc l'origine de l'entrée au paradis, c'est la miséricorde d'Allah. C'est sa miséricorde. S'il veut, parce qu'on n'est pas assez. On a la preuve, l'histoire de l'œil. Et lui, c'est des siècles. C'est pas 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 30 ans. C'est des siècles. Et pourtant encore, quoi, c'est pas encore assez. Son œil simplement. Alors que Dieu, de toutes les grâces qu'Allah nous a données, le reste, un œil, un deuxième œil, les doigts, ceci, cela, dont on profite tous les jours. On profite à chaque instant, à chaque seconde. Ça fait combien tout ça? C'est quoi, si on calculait, si c'était énuméré, on verrait des chiffres infinis. Naam. Donc vous voyez comment il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons ils ont compris tout de suite. Ils ont dit même pas toi envoyé d'Allah. Ils ont dit non, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tellement ce qu'il a fait le jeûne, c'est bien au-dessus de ce qu'on fait. Faut pas croire. Comme ça, hein, cœur. Mais c'est là. Il reste 3 minutes. Ah ben, on va s'arrêter là, sinon on ne va pas reprendre. Donc un autre chapitre, Inch'Allah.